Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107FM. Nous sommes le mardi 28 septembre 2021. Il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même. C'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Pascal Georgel, président de la toute jeune association Everybody Dance, qui est là pour nous parler de son parcours et de cette association. Donc bonjour Pascal. Bonjour à toi, bonjour aux auditeurs, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, juste une petite parenthèse, je ne suis pas le président. Ah, pardon. Je suis le coach. Le coach, ok, pardon. Autant pour moi. Voilà. Comment ça va? Ça va très bien, très très bien, merci encore. Avec plaisir. Donc, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu du coup te présenter en quelques mots? Alors, l'association donc Everybody Dance a été créée au mois de mars 2021. Voilà, déclarée en préfecture. Est reconnu en avril 2021, donc, par le journal officiel, en fait. D'accord. Et on va commencer donc nos cours à partir de samedi 2, pour les enfants, le matin à 10h, et le mercredi 6 octobre, 19h15, pour les adultes. D'accord. De toute façon, on va en parler de tout ça pendant toute cette heure d'émission jusqu'à 15h. Pas de souci. Hein. Donc, cette émission va se dérouler en deux grandes parties. Nous allons commencer par parler du coup de l'association et ensuite nous parlerons un peu plus de toi en tant que danseur et du coup en tant que coach du coup de danse. Donc, comme annoncé en introduction, nous sommes ici pour parler de ton parcours et de l'association Everybody Dance. Donc, quel a été ton parcours personnel pour en être là où tu en es aujourd'hui? Alors, au début, j'ai pratiqué donc la danse comme tout le monde, en amateur. D'accord. Après, je me suis lancé dans les compétitions. J'ai fait champion de France en 1978. Après, j'ai continué. J'ai fait championnat d'Europe. Et après, j'ai décidé de créer mon propre club, au départ, qui s'appelait le Bilalet Club. D'accord. Sur Arches. Et quand j'ai vu la popularité, le fait que le club prenait de l'ampleur, j'ai décidé donc de m'installer, de passer un diplôme en 1984, un diplôme fédéral de danse, qui regroupe toutes les danses, danse latine, danse standard. 5 latines, 5 standards. D'accord. Donc du coup, maintenant, on peut dire que tu es un coach certifié de danse? Oui. Certifié? Oui. Absolument. Certifié, reconnu, oui. Oui. Parfait. Donc c'est ton métier à part entière? Ah, c'est mon métier à part entière. Je ne vis que de ça. Je fais que ça depuis donc 84. Avant, j'avais un petit travail à côté. Et, vraiment, en 86, j'ai fait plus que ça. D'accord. Donc on peut dire que c'est un véritable métier passion, du coup, pour toi. C'est un métier passion, absolument. Oui. Parfait. Donc, on va du coup parler de l'association, du coup, Everybody Dance. Donc, comment et par qui cette association a-t-elle été créée? Comment elle est partie? Ben, j'ai fait connaissance donc de la présidente qui m'a demandé de venir animer des enfants à son centre de loisirs. D'accord. Et puis le courant est passé, on s'est bien entendu, et puis on a décidé de créer donc cette association stéphanoise. D'accord, donc tu fais partie des fondateurs du coup de l'association. Voilà, absolument, oui. Oui. Okay. En fait, il y a un bureau quand même, hein. Il y a un président, un trésorier, un secrétaire. Voilà, moi je suis juste l'entraîneur, le coach. D'accord, surtout que l'association Everybody Dance, elle n'est pas si loin de la radio. Non, elle est tout près, elle est rue de la Mai, l'école de garçons. C'est cela, ouais. On a une salle de classe, en fait, qui nous a été allouée par la commune, par la mairie. D'accord. Pour gracieusement. Du coup, pour... Voilà, on les remercie également. Petit clin d'œil. Bien sûr. Pour dispenser, du coup, les cours de danse, donc deux fois par semaine, une fois pour les enfants et une fois pour les adultes. Oui, une fois le samedi matin pour les enfants, oui, de 10h à 11h. Et les adultes, on va voir donc en fonction des adultes, 19h15, 20h15 une première heure, et peut-être 20h15, 21h15 la deuxième heure. D'accord. Mais donc justement, dans les cours pour adultes, est-ce qu'il peut y avoir... Enfin, je suppose qu'il y a des ados qui seraient intéressés, donc ils sont plus dans la case enfant ou dans la case du coup adulte pour les cours? Alors enfant, c'est... Pour l'instant, on a des inscriptions d'enfants de 7, 8, 9, voire 10 ans. D'accord. Ados, on n'a pas. Okay. Après, c'est sûr que si on a une session de plusieurs ados, on peut créer une session spéciale ados, mais avec des danses un peu plus modernes. Merci. Du street jazz, des petites chorégraphies, voilà, mais pas forcément de la danse de couple. Mm-hmm. Oui, parce que c'est la danse de couple, les adultes. Bien sûr, oui. Voilà, on va revenir sur les disciplines après, qui vont être enseignées ici, justement, à Saint-Étienne. Bien sûr, mais donc justement, Donc si on te propose de faire du coup d'enseigner une danse solo, tu pourrais le faire toi-même du coup. Danse solo pour les enfants, les adultes. Bah, un parce jour... que danse solo, c'est de la danse en ligne. D'accord. Du line dance, appelez ça. Ok. Voilà, donc on est en ligne, on se met en quinconce, et puis je vais faire des chorégraphies, ou au départ des musiques basiques, voilà, sur des chansons basiques. D'accord. Donc en combien de temps, du coup tu l'as dit un petit peu tout à l'heure en introduction, en combien de temps l'association Everybody Dance a-t-elle été créée ? En combien de temps ? Oui. Elle a été créée depuis le mois de mars, donc ça s'est fait assez rapidement. Le temps d'envoyer les statuts, je veux dire, à la préfecture, l'accord de la préfecture, l'accord du journal officiel, et puis après à la commune pour demander une salle. En fait, donc, ça, depuis avril, ça fait 6 mois. Oh, ça va. Oui, ça a été assez vite. C'est assez vite. D'accord. La présidente est dynamique. Oh, tant mieux. Oui, tant mieux. Mais donc, justement, tu es du coup le coach du coup de l'association. Mais comment t'es venue cette envie d'enseigner la danse? Car tu as pratiqué la danse, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais cette envie d'enseigner, de partager ton savoir, comment elle est venue? J'aimais bien, en fait, ne pas avoir de patron au-dessus de moi. D'accord. Donc, j'ai décidé de passer mes diplômes. Puis après, je me suis lancé. Voilà, je me suis lancé. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, comment également vous est venue cette idée de créer une association de danse? Du coup, pourquoi de la danse? Parce que j'aurais pas fait du tennis, je suis nul. D'accord. Ouais, ou du football. Voilà, non. De la danse, parce que j'étais compétiteur avant, donc comme je le disais. Et c'est vrai que ça me plaisait, le contact, la convivialité, etc. Quoi. Voir les gens, discuter avec eux, leur enseigner, en fait. Tout simplement. Oui. D'accord. Donc justement, nous parlons des types de danses. Quels sont les types de danses que nous pouvons retrouver dans cette association? Des danses de couple, du coup. Alors au départ, on est parti sur les danses latines par excellence. Donc c'est-à-dire le salsa, qui est beaucoup demandé, bachata. D'accord. Et rock'n'roll. Après, il existe aussi le cha-cha-cha, la samba, mais c'est moins demandé. Et quelques danses standards, on m'a demandé aussi valse, tango, passe-doble. Donc on verra après en fonction des inscriptions, des inscrits, les disciplines que je vais faire, quoi, en fait. Et donc, avec le nombre d'inscrits que tu as actuellement, ça va être plus sur le rock'n'roll, du cha-cha-cha? Pour l'instant, j'ai une majorité de salsa, bachata, rock. En considérant que dans une heure de cours, on ne va pas faire les trois disciplines. Généralement, dans une heure, on en fait deux. Mm-hmm. Par exemple, salsa, rock. La semaine d'après, on va peut-être refaire salsa, bachata, et puis après, bachata, rock. Le but, c'est de pendant une année, faire ces trois disciplines et d'avoir, par exemple, en bachata, une dizaine de figures, une dizaine de passes. D'accord. En rock'n'roll, 7-8 figures de base. Et en salsa, pareil, 7-8 figures de base. Pour D'accord. pouvoir après danser n'importe où, quoi. Bien sûr. Et est-ce qu'à la fin, du coup, de la saison, est-ce qu'il y a, par exemple, un spectacle devant des spectateurs ou pas du tout? Alors, je vais te dire franchement, les spectacles, c'est très difficile avec les adultes. Nous, on est d'accord pour faire un petit spectacle, oui, c'est sûr, un gala, comme on appelle ça, mais c'est très dur. Donc là, ça démarre, après, il faut voir peut-être la deuxième année, mais c'est vrai que c'est en pourparler, après, d'organiser quelque chose, justement, à la salle des fêtes, à la salle de basket, l'ancienne salle de basket, je ne sais pas comment elle s'appelle, en fait, salle polyvalente. D'accord. Voilà, qui sont en train de refaire la commune, d'organiser, une petite, comme on avait fait il y a 5-6 ans, une petite compétition à Saint-Étienne, regroupant tous les clubs vosgiens qui désirent le faire. D'accord. Avec des juges, un secrétariat, etc. Avec peut-être des prix à l'issue du. Des prix, oui, des coupes, des petits lots à gagner, etc. Oui, bien sûr. Donc maintenant, on va s'intéresser un peu plus aux cours à proprement dit. Donc comment se déroulent les cours? En d'autres termes, est-ce que, tu l'as un petit peu dit également, mais est-ce qu'une semaine est consacrée à un type de danse, la semaine suivante à un autre type, et ainsi de suite? Pour les enfants ou pour les adultes? Pour les deux. Bon, les enfants, donc comme je disais tout à l'heure, si la tranche d'âge est entre 7 et 10 ans, on va rester sur une discipline, c'est-à-dire un petit peu de la dance, un petit peu des danses modernes, voilà, du street jazz, street dance. Hein, parce que la chorégraphie n'est pas évidente. Bien sûr. Éventuellement, une petite approche du rock piétiné, du rock simple, basique, et un petit peu de rock sauté. D'accord. Voilà, je parle javanais peut-être. Rock sauté. Voilà, c'est un pas de base différent du rock traditionnel, ce qui amène après le rock sauté faire des acrobaties éventuellement en tant que partenaire masculin et partenaire féminin. D'accord. Voilà, mais on n'en est pas là. Justement, quand tu parles des pas piétinés, ça me rappelle quelque chose. Exact. Nous en parlerons un peu plus tard dans cette émission. Donc, est-ce qu'il y a un âge minimum un âge minimal pour intégrer l'association? Non, comme t'as atteint de 7 à 77 ans. Et donc un âge maximum, donc 77 ans du coup. Voilà, ouais, okay. Ouais. On peut rappeler du coup également que tu proposeras peut-être des cours de swing, enfin notamment l'association en fait qu'on était présent, les deux associations, donc Radio Gemozo et Everybody Dance, tu pourras proposer peut-être du swing, du rock and roll et des disciplines associées, danse de salon, danse moderne, salsa, bachata, cha-cha-cha, etc., etc. Oui, alors le swing c'est pas une danse. D'accord. Le swing est une musique. Ok. Donc le swing ça comporte du pas de base, du rock, des mélanges de l'indie hop et du boogie woogie. D'accord. C'est-à-dire, quand tu es venu apprendre le rock'n'roll mm-hmm. en initiation, tu as fait du 6 temps. Oui. Tu as fait 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Oui. Voilà, il existe 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10. Donc le swing, c'est des mélanges de 6, de 8 et de 10. D'accord. Avec des petites figures, des petites variations attractives. Avec des petits kicks, des petits breaks, des arrêts dans la musique, des pauses, etc. Mmh. Voilà. Donc c'est sûr qu'on en fait, mais il faut quand même avoir une base, 2 ans de rock'n'roll. Ah oui, quand même. Eh oui, eh oui. Quand eh même. Il y a de la gestuelle, il y a pas mal de choses. Ouais. Ça se fait pas du jour au lendemain, en fait. Ben, j'imagine. Et justement, quand tu parles de figures de danse, qu'est-ce que tu entends par des figures? Qu'est-ce que tu entends des figures? Alors, c'est le terme, le figure, c'est des termes. Donc, ce sont des passes. On va apprendre, mettons, en rock'n'roll, on va apprendre le pas de basse piétiné, mm-hmm. comme on avait vu, mm-hmm. piétiné. Après, on va apprendre le pas de basse chassé. Mm-hmm. On va apprendre les reprises, reprendre sa partenaire dans ses bras, position fermée. On va faire des ouvertures, des passages sous le bras, des changes de main dans le dos, des changes de main, des changes de place, des enroulements, des déroulements, des American spin, des tours solo, etc. Probablement. J'en suis loin là. Bon, oui. Là, j'en suis à une année là. D'accord. Donc, c'est tout ça les figures du coup. C'est tout ça, voilà. Voilà. Ok. D'accord. Et on n'en fait pas systématiquement toutes les semaines. D'accord. On révise parce que le plus dur, c'est vraiment ce sont les bases. Les pas de base en fait. Bien sûr. Voilà. Ok. Donc, il est 14h13. Avant de poursuivre, je te propose de nous lancer tout de suite dans une première musique sur laquelle tu travailles du coup à Everybody Dance. Donc on va écouter un petit peu de bachata. Si tu veux, voilà. Pas de souci. Donc, musique très sensuelle. Tout à fait. Et voilà. Du coup, c'est une musique assez longue. Elle dure 2 heures de temps, donc on va pas la laisser entièrement. Non. On va laisser... Je vais pas passer l'après-midi ici. Non, bah, et puis moi après. Même si c'est super, c'est sympa. Et puis après, j'ai encore du boulot. Donc, je me doute. Donc on va laisser 3-4 minutes, et puis du coup, on se retrouve juste après. Ok, pas de souci, tout à l'heure. Petit Merci. Extrait de bachata. Thank you. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h18. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers comme la Suisse ou encore l'Allemagne. Vous venez d'écouter un petit peu de Bachata, une des musiques sur lesquelles mon invité propose des cours de danse. Et d'ailleurs, mon invité, c'est du coup Pascal Georgel, qui est toujours là dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, professeur de danse de l'association Everybody Dance. Donc, il est là pour nous parler du coup de son parcours et de l'association. Ça va toujours ? Ça va toujours. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, ma question de base, nos auditrices et auditeurs sont habitués, après une pause musicale, je demande toujours pourquoi avoir choisi ce titre. Mais du coup, là, on a un petit peu dit la bachata parce que tu proposes des cours dessus, sur la bachata. Oui. Oui et non, en fait, on ne savait pas quel nom donner à l'association. Et puis, c'est plus ma fille qui a eu l'idée de ce nom-là. La présidente a accepté, le bureau a accepté. Et puis voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Mais sans raison particulière. Hein. D'accord, ok. Et donc, cette musique, la bachata, c'est tout simplement parce que tu danses dessus, du coup, sur la bachata. On danse dessus. Vous dansez dessus, oui. Donc on va reprendre le cours de cette émission. Donc nous en parlions avant cette pause musicale. L'association Everybody Dance propose du coup des cours de différentes danses, mais pas que. Vous organisez également l'association des manifestations et tu assistes à des manifestations également, comme encore dernièrement à l'association en fait le 18 septembre, il me semble. Oui. Voilà. C'était le 18, oui. On devait faire le 13 juillet. Mm-hmm. Je devais faire une animation, mais vu la météo. Ça a été annulé. D'accord. Donc j'ai refait une initiation le 14 août. C'était pour les feux d'artifice. Oui, les feux d'artifice, c'est ça, de Saint-Étienne. Un monde fou. Super. Mm-hmm. Donc là, j'avais fait salsa et bachata. D'accord. Voilà. Pareil, beaucoup de monde. Beaucoup de monde pour venir s'initier. Bien sûr, il faut apprendre, il faut s'initier. C'est intéressant. En plus, personnellement, j'ai. Donc du coup, pendant cette manifestation, je me suis initié, puis c'est agréable, comme ça permet aussi d'affronter une certaine timidité, une certaine peur de toucher les autres également. Oui, oui, oui, aussi, oui. Ça libère complètement, ouais. C'est le ressenti des gens, en fait. Mm-hmm. Très convivial. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et également, avec Everybody Dance, tu organiseras des trophées de danse, des dance shows, des séminaires, des réunions, des workshops dans les Vosges, etc. Donc pourquoi avoir décidé d'élargir les propositions et de ne pas proposer que des cours de danse ? Bah, parce que je pense que bon, les cours, c'est bien. Mm-hmm. Et des fois, faire venir, là je compte faire venir un intervenant extérieur, un vice-champion d'Europe dans la discipline swing, donc boogie, et salsa bachata. D'accord. Qui va venir donc sur Épinal Golbet, et je vais en faire bénéficier donc l'association Everybody Dance. C'est-à-dire que les personnes qui sont intéressées, on fera deux voire trois niveaux, les niveaux débutants, mm-hmm. niveau intermédiaire et niveau avancé. D'accord. Voilà, donc si après on peut le faire à Saint-Étienne, si nous avons la possibilité d'avoir la salle, on le fait à Saint-Étienne, il n'y a aucun problème. Mais c'est bien de faire des workshops, des ateliers de danse, comme ça on voit autre chose. Bien sûr. Et en fait, un petit peu, c'est paradoxal, mais mélanger des gens d'Épinal, de Saint-Étienne, de Cornimont, de Rupt-sur-Moselle, etc. quoi. Bien sûr. Voilà, de Saint-Dié aussi, où j'ai un club, Sainte-Marguerite. Ok. Voilà. D'accord. Et bien que cette association soit assez jeune, tu l'as dit un peu plus tôt, elle a été créée donc un peu plus tôt cette année, en 2021. Mais est-ce que, du coup, à part du coup pour le forum des associations, est-ce que tu as dit tout à l'heure, tu as déjà été sollicité pour proposer des initiations à d'autres événements, du coup ? Stéphanois ? Oui, ou autre ? Non, encore pas. Pas du tout, non. Non. J'ai fait que les deux là. D'accord. Alors, c'est vrai que l'année prochaine, la présidente, on pensait justement organiser aussi peut-être une petite soirée dansante. Un samedi, mm-hmm. voilà. Mais soirée dansante, soirée musette, mm-hmm, bien soirée sûr. Musette, voilà. Bien sûr. D'ailleurs, Musette Partie, enfin c'est une émission qu'on a ici à Radio Gemozo, Musette Partie proposée par Cyril. C'est le samedi ou le dimanche, je ne sais plus. Voilà, c'était le petit rappel. Ah, d'accord. Voilà. Et nous n'en avons pas encore parlé, mais ça peut être une statistique intéressante. Bien que l'association soit toute jeune, combien est-ce qu'il y a d'adhérentes et d'adhérents pour le moment ? Alors, pour le moment, nous avons 7 enfants Et on va dire 17-18 adultes. Dont la majorité des femmes que tu m'as dit tout à l'heure. Dans la majorité des femmes, oui. Donc on laisse un petit appel à ces messieurs. Bien sûr. Hein? Et donc justement, on en reparlera un peu plus tôt, mais pour commencer cette aventure dans l'association Everybody Dance, je crois savoir que tu organises avec Everybody Dance un genre de jeu concours. Absolument, oui, pour faire gagner justement soit des entrées, enfin je veux dire des entrées, des adhésions gratuites pendant un mois. S'ils veulent essayer pendant un mois, s'ils gagnent, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir pendant un mois, voire trois mois. D'accord. Selon le jeu. Tout simplement. Donc, oui. Nous en parlerons un petit peu plus tard, et puis dans les jours à venir, on retransmettra l'information sur notre page Facebook. Et ok, pas de souci. À l'antenne, quand très bien, très bien. Appeler le plus de gens à écouter, oui. Et à participer. Oui. Et en parlant d'écouter et de participer, si jamais vous voulez poser des questions à mon invité, je vous invite à nous laisser un petit message sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40 pour pouvoir du coup te poser des questions si des gens sont intéressés. Oui. Voilà. Donc je suis à leur écoute. Voilà. Donc n'hésitez pas. Donc j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a des personnes dans les adhérents que tu as déjà qui préfèrent pratiquer telle danse plutôt qu'une autre? Oui. Oui, oui, justement, la majorité voulait salsa, bachata, rock, voilà. D'autres voulaient rock, valse, tango. D'autres voulaient vraiment les danses de bal, les danses musettes, les danses de société, danses de loisirs. Donc, ça va être difficile. On n'a que 2 heures. Ça va être difficile, justement, à départager ces personnes. On verra mercredi 6. Voilà. Et puis même si ça vous tente pas forcément, vous pouvez venir à un cours pour voir comment ça se passe. Exactement, il peut venir essayer, le cours est gratuit, sans engagement. Voilà, tout simplement, donc il n'y a aucune raison pour ne pas y aller. Et donc dans les danses que tu proposes, souvent ce sont des danses de couple, du coup, des qui se pratiquent à deux. Oui, en adulte, oui, ce sont les danses de couple, oui, à deux, en oui, adulte. C'est ça. Et oui. Du coup, quand du coup, vous commencerez la saison officiellement, est-ce que tu demanderas à une adhérente de t'assister pour montrer l'exemple de la danse? Pas forcément. Après, je prends systématiquement, j'ai la chance, dans mes bras, de prendre toutes les femmes. Oui. Non, mais je prends, voilà, parce que non, j'ai pas forcément une monitrice qui m'accompagne, quoi. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, parce que je sais faire aussi bien l'homme que la femme, au niveau des pas de base. Bah, écoute. Ouais, bah oui, si je le dis. Bah, on te croit. Voilà, exactement. Et donc, justement, chaque cours, ce sera toi qui les proposera, qui les dispensera? Oui, ce sera toujours moi. Toujours toi, il n'y aura jamais de quelqu'un d'autre? Non. Voilà, non. Le seul coach. Le seul coach, oui. Voilà. Et par exemple, si nous souhaitons ta présence et la présence de Everybody Dance pour assurer l'animation d'un événement ou autre, comme ça a été le cas pour Asso en fait, comment est-ce qu'on peut te contacter? Bah, vous avez mes coordonnées. Nous, oui, mais les auditeurs, non? Ah non? Alors, je peux les donner. Bien sûr. Alors, 06 48 85 76 83. Et il n'y a aucun problème, je me déplace pour n'importe quelle proposition, quelle activité ils veulent. Voilà. Voilà, tout simplement. On pourra rappeler tes coordonnées à la fin de cette émission. Je les mettrai également en podcast, du coup, de cette émission, si tu es d'accord. Oui, pas de souci, pas de souci. Est-ce qu'il y a un rayon kilométrique dans lequel tu dis à partir de tel kilomètre, je ne me déplace plus? Ou est-ce que tu te déplaces partout en France? Je me déplace partout. Tout simplement. Oui. Okay. Oui. Partout, il n'y a pas d'exception. Non. Donc si on te propose quelque chose à Marseille, tu pourras aller à Marseille. Absolument. Ok. Oui. Bah, au moins, voilà, c'est les gens... J'ai fait une animation dans le sud, c'était super. Bon, je ne l'ai pas renouvelé parce que c'était de mai à septembre. D'accord. Animé à un bar. Mm-hmm. De 11h à 13h pendant l'apéritif. D'accord. Et de 18h à 20h. Pendant l'apéritif aussi. Ouais, pendant l'apéritif, voilà, c'était super. Mais de mai à fin septembre, début octobre, quoi. Oui, donc sûr. Après, j'ai mon travail ici, donc je ne pouvais pas. Au moins, tu pourras quand même proposer tes compétences ici, du coup, dans les Vosges, avec les cours de Everybody Dance. Et du coup, si nous voulons adhérer à Everybody Dance, quel est le prix de l'adhésion? Alors, le prix de l'adhésion, elle est annuelle. D'accord. Elle est de 190€. Tout compris, c'est-à-dire inscription, cotisation, l'assurance inclus, d'accord, et les cours à l'année. Je parle bien à l'année. D'accord. C'est-à-dire l'année démarre début octobre, comme les scolaires en fait, et finit fin juin. D'accord. Est-ce qu'il y a, par exemple, peut-être que nos auditrices et auditeurs préféreraient ce format, est-ce qu'il y a possibilité de payer en plusieurs fois? Oui, sans problème. 3 chèques, il n'y a pas de problème. Voilà pour. Faut bien que je rappelle que l'Everybody Dance est un club loi 1901 à but non lucratif. D'accord. Voilà. Ok. Donc il est 14h28. Donc avant de poursuivre, on va s'écouter une autre petite musique sur laquelle tu travailles. Avec cette fois un peu plus courte. Entre autres. Alors, une musique un peu plus courte sur laquelle, du coup, qu'on écoutera du coup entièrement. C'est une musique qui s'appelle Hit the Road Jack. Et donc ça, c'est pour quel type de danse plutôt? Donc c'est du swing, c'est du rock'n'roll, c'est voilà. D'accord, donc on écoute ce titre entièrement et du coup on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. À tout de suite. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Treat me this away, girl, I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, all this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo, vous êtes toujours en direct. Vous nous écoutez sur le 107 FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogamozo.radio-website.com/partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers comme je disais plutôt comme la Belgique ou encore l'Allemagne. Et vous pouvez même nous écouter depuis le Québec grâce à notre application Orange Radio. Donc vous venez d'écouter une célèbre chanson Hit the Road Jack sur laquelle mon invité travaille entre autres en proposant ses cours à Everybody Dance. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux justement de Pascal Georgel, professeur de danse de l'association Everybody Dance, qui est là pour nous parler de son parcours et de l'association. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie, Pascal? Super, je m'ennuie pas du tout, c'est impeccable. Parfait. Donc on va reprendre le cours de cette émission, il nous reste un peu moins d'une demi-heure. Voilà, on a le temps. Donc... comme annoncé avant cette pause musicale, enfin, je ne sais pas si je l'ai annoncé, mais je te propose de parler de ton expérience personnelle de danseur et de professeur de danse, si ça te va. Oui. Donc, tu l'as dit un peu plus tôt au début de cette émission, mais on peut peut-être le rappeler, depuis combien de temps pratiques-tu à titre personnel la danse? À titre personnel, oui. J'ai démarré, 1977. D'accord. Parce que j'étais champion de France en 1978. Donc je prenais des cours dans un club. Mm-hmm. Voilà. Et puis après, ben, je me suis lancé dans la compétition. Et après, j'ai décidé donc d'ouvrir mon propre club. Et 2 ans après, donc, de l'obtention du diplôme fédéral de danse. D'accord. Donc avant d'être professeur de danse, tu étais, et d'ailleurs, tu es toujours un danseur professionnel, du coup. Oui, on est considéré comme professionnel. Moi, je suis considéré comme professionnel. J'ai une école, j'ai pignon sur rue, etc. Oui. Mais donc, justement, en tant que du coup, danseur professionnel, professeur de danse professionnel, quel est, enfin, on ne va pas trop en dire, mais est-ce que tu es considéré comme un itinérant du spectacle ou pas du tout? Pas du tout. Non. Non, je suis en profession libérale, donc voilà, je suis artiste. Ah, comme un artiste, d'accord. Ouais. Et donc, une question un peu plus large qui va peut-être te donner à réfléchir. Qu'est-ce que la danse pour toi ? La danse pour moi, la danse est un moyen de s'exprimer. D'accord. De connaître des gens, de leur donner ma passion, faire partager ma passion, de s'exprimer, de voilà. D'ailleurs, quand tu parles, du coup, tu dis que la danse c'est un moyen de s'exprimer. Dans quelle mesure ? Au niveau déjà, au niveau de la gestuelle, voilà. Après, je veux dire, c'est pas évident au départ, même moi, d'apprendre à danser aux gens, surtout sur les bases. Bien certains, bien. Des fois, n'acceptent pas de travailler pendant des heures et des heures le pas de base d'une danse. Hein. Et puis, après, bon, une fois qu'on a le pas de base, moi, je pense que les acquis, il faut beaucoup d'acquis. Bien après, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, les figures de danse, elles se font vraiment au bout de 3-4 mois déjà de danse, de pratique. Alors après, il faut bien considérer aussi qu'il y a la connexion entre le partenaire et la partenaire, le guidage. Du partenaire, du cavalier, voilà. Le cadre, avoir un beau cadre, c'est-à-dire la main gauche du danseur dans la main droite de la cavalière, et la main droite du danseur sur l'omoplate droite de la danseuse. Voilà, donc ça s'appelle le cadre. Faut bien, il y en a qui sont un petit peu mous, mais ça, c'est à moi de les corriger. Bien sûr. Voilà. Et c'est vraiment toute une, bah, je veux dire, toute une manœuvre à apprendre, du coup, oui. C'est, oui, c'est une pédagogie, c'est, voilà. C'est ouais, oui, oui. C'était le mot que je cherchais. Oui. Et donc, tu as du coup appris la danse donc dans d'autres organismes quand tu étais plus jeune. Oui, au départ j'ai appris dans un club, mais après quand j'ai voulu me former, je suis allé sur Paris, Saint-Maur exactement, voilà. Je suis allé sur Lyon. D'accord. Montpellier, où je fais même encore en ce moment des stages réguliers. Là, j'ai fait un stage dernièrement, il y a 2 mois, avec le top 1 en swing boogie lindy qui se trouve à Montpellier. D'accord. Voilà, je fais 2 heures de cours, soit des stages, ou alors des cours particuliers. D'accord. Des cours particuliers. Je pense qu'il faut toujours se recycler. Des cours particuliers, ben, je suis tout seul avec le prof, en fait. D'accord. Voilà, et puis ben, il m'apprend des figures, il m'apprend d'autres pas. Voilà, il me met... Il me met dans le contexte des nouveautés actuelles, quoi. D'accord, donc du coup tu es coach, mais aussi tu restes un petit peu élève aussi. Quoi. Ah, je reste élève, oui. Et puis je le dis, je suis aussi un élève. Un élève qui, oui. Du coup, qui apprend toujours. Qui apprend toujours, régulièrement. Donc c'est important, tu dirais, pour toi de toujours apprendre, toujours s'améliorer. Ah ben bien sûr, bien sûr. Ne pas rester sur ses acquis. Ah, absolument, faut pas rester sur ses acquis. Non. Sinon après on se fait manger. Bien sûr. Et faut aussi, c'est pas évident, je pense, et d'ailleurs je sais, parce que même moi j'ai un peu de mal, il faut savoir sortir de sa zone de confort également. Aussi, voilà. Il faut suivre l'actualité, en fait. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, salsa, bachata, c'était pas connu, quoi. C'est vrai. Et maintenant, c'est une demande, les 3/4 des gens, c'est ce qu'ils veulent. Voilà. D'accord. Bah, je viens d'avouer qu'avant d'être au forum des associations dans lesquelles, d'ailleurs, c'est là que j'ai eu ton contact, je connaissais pas la bachata, je ne savais pas que ça existait. Ouais. Donc, elle vient de République dominicaine, oui. D'accord. Voilà, ouais, ouais. C'est une danse, pareil. Alors, il existe deux bachatas en fait. Hein. Il y a la bachata sensuelle, mais qu'on pratique pas vraiment beaucoup ici, et il y a la moderne, celle que je fais régulièrement, c'est-à-dire pas forcément un contact corps à corps, comme la kizomba. D'accord. Voilà. Donc les gens, quand ils sont en couple, on est plus en couple comme du rock. C'est-à-dire pas trop forcé, pas collé en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, du coup, tu as appris du coup, dans un club également, mais par quelle danse tu as commencé ? Est-ce que tu te souviens de la toute première danse que tu as appris ? Bien sûr, le rock'n'roll. D'accord. Et donc... Parce que c'est là, c'est dans cette discipline-là que j'ai été champion de France en rock'n'roll. D'accord. Et du coup, tu as décidé de proposer des cours de rock'n'roll un peu comme un hommage peut-être à tes premiers amours, on va dire. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et puis après, quand j'ai vu que ça marchait bien, j'avais fait quand même avec ma sœur à l'époque un petit peu de danse latine. Donc les 5 danses latines, hein, le cha-cha, la samba, la rumba, le passe-doble et puis le jive. Le jive, c'est un petit peu le rock, mais avec des bounce action. On saute un petit peu plus, quoi. On lève les genoux. Voilà. D'accord. Et puis, bah, ça m'a plu. J'ai fait 2-3 petites compétitions sur Paris. Et puis après, j'ai arrêté. J'étais quand même plus rocker que danse latine ou standard. D'accord, donc du coup, tu restes toujours en fond de toi un rocker. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. Et donc, je le rappelle, surtout, n'hésitez pas à nous appeler ou à laisser un petit message pour mon invité d'aujourd'hui. Il se fera un plaisir, je lui ferai un plaisir de lui transmettre et il se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Et donc, est-ce que tu as des modèles en termes de danse, des exemples que pour toi tu dis je veux être comme lui ou comme cette personne plus tard? Pas forcément. À l'époque, j'ai fait beaucoup de compétitions aussi avec mon club. D'accord. J'ai eu des couples qui ont été quand même champions de France. J'ai des couples, des formations girl, lady, et des formations girl main class. C'est des catégories donc internationales. D'accord. Qui ont fait les championnats du monde. On est allé quand même jusqu'en finale à des championnats du monde. C'est-à-dire on a fini sixième sur 22. On partait à l'étranger et tout. Mm-hmm. Mais je veux dire, c'est aléatoire dans le sens où tous ces clubs-là, ils font un an, deux ans, ils sont champions du monde. Et après, c'est un autre club derrière qui les détrône, quoi, en fait. Donc, je n'ai pas vraiment de modèle proprement dit sur ces disciplines. D'accord. Il y a eu des champions du monde en France, oui. Ils sont restés un an, deux ans. Et après, c'est un autre qui prend la place, quoi. D'accord. C'est une roue qui... C'est ça. D'accord. Et donc, justement, en tant que coach, du coup, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois, par exemple, tes anciens élèves ou de tes anciennes élèves qui gagnent un prix, par exemple? Est-ce que tu ressens une certaine fierté de... Tu te dis, ah ben, c'est moi qui lui ai appris ça. Oui, ben, c'est ça, hein, c'est la joie, c'est... Oui, ah oui, oui, je suis content. Content pour eux, content pour moi, c'est super, ouais. C'est gratifiant, du coup, des deux côtés. Voilà, des deux côtés. Ah oui, oui, oui. Et ils en sont reconnaissants, hein, oui, oui. Ben, bien sûr, j'imagine. Alors oui, ce sont quand on organise quand on fait des compétitions, c'est pas une heure par semaine, hein. C'est voire 4, voire 5, 6, 6 heures d'entraînement, hein. Par semaine. Ouais, par semaine. Ah oui. Et combien de temps avant du coup la compétition, pour un échauffement, une préparation à une compétition, donc 4, 5, 6 heures par semaine, c'est combien de temps avant la compétition que vous commencez à travailler dessus? Un an, je dirais. Ah, quand même. Ouais. Une chorégraphie, ce sont des chorégraphies en formation girl, comme je disais tout à l'heure, ce sont des chorégraphies où elles dansent minimum 3 minutes, 3 minutes 30. D'accord. C'est violent. Le cœur, il est à 180 pulsations en minute. D'accord. Ah oui, voilà. Ah oui, oui, oui, c'est violent, hein. Donc, les chorégraphies en elles-mêmes se montent assez rapidement. C'est-à-dire, en 2-3 mois, la chorégraphie est faite. Mais après, il faut finaliser, hein. Le port de tête, les mains tendues, les kicks plus haut, le regard, la gestuelle, tout ça, quoi. Et ça, c'est des mois. La synchronisation, parce qu'elles sont quand même... moi, j'en avais 14, donc qui font la même chorégraphie, les mêmes déplacements, etc., quoi. Ah oui. Ouais. Et puis, si on a une qui se trompe, par exemple, il faut reprendre tout le monde. Ah oui, on recommence. Ah oui. Et généralement, on choisit une musique... Et on construit sa chorégraphie sur ces phrases musicales de la musique. D'accord. On n'écoute pas la musique et puis on danse comme ça, quoi. Mm-hmm. Voilà, si dans la musique, il y a des petits breaks, des arrêts, on va faire une pause. Mm-hmm. Donc c'est plus enrichissant et c'est plus beau à regarder. Bien sûr, quand tout le monde est, on va dire, est synchronisé, du coup. Voilà, c'est ça. Ouais, synchronisation. C'est le plus dur, en fait. Bien sûr. Ne pas avoir un temps de retard ou un temps d'avance. Mais donc, du coup, en tant que coach, du coup, tu n'es pas seulement coach, tu es également chorégraphe. Ah, je suis chorégraphe, oui. Oui, bien sûr. Parce que quand on travaille, que ce soit en cha-cha, en bachata, etc., quand on a toutes les bases, on va travailler des petits modules. Mm-hmm. Petits modules de 1, 2, 3 figures, qu'on appelle ça un petit enchaînement. Et l'enchaînement, c'est chaque professeur qui va le faire. Ou qui va le créer, en fait. D'accord. On va jamais retrouver le même enchaînement dans un autre club. D'accord. Ah oui, c'est une création 100% du prof, du coup. Oui, voilà, ouais. Et donc, est-ce que tu dirais, du coup, qu'on peut être... En fait, être chorégraphe et être coach, c'est vraiment deux choses qu'on ne peut pas dissocier, ou est-ce que tu peux être coach et pas chorégraphe, ou chorégraphe et pas coach? Je sais pas si je suis très clair dans la question. Si, moi j'ai très bien compris, mais c'est pas évident à expliquer, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des clubs, ils sont pas forcément... Ils n'ont jamais été danseurs. D'accord. Ils se lancent tout de suite professeur ou coach, et ils font pas forcément des chorégraphies, oui, non. Donc on peut dissocier les deux, je pense. D'accord. Et donc toi, c'était un choix, du coup, de ta part, d'être coach et chorégraphe, du coup. C'était un choix que tu as fait. Bah, si je voulais continuer, il fallait être chorégraphe. D'accord. Pour pouvoir apporter autre chose je veux dire, aux danseurs. D'accord. Hein, ne pas rester sur ses acquis, voilà, trouver d'autres variations, d'autres figures, etc. Faire quelque chose d'inédit à chaque fois, du coup. Voilà, oui. Oui. Et donc, est-ce que tu réfléchis à faire, on va dire, évoluer l'association Everybody Dance à l'avenir, proposer d'autres styles de danse à pratiquer, d'autres choses, faire d'autres choses avec l'association, du coup. Bah oui, c'est le but, de voir quand même d'autres disciplines. D'accord. Ah oui, bah c'est sûr. Après, voilà, ça va être le temps, et puis ça va être, le problème de la salle, parce qu'on a une salle qui est très belle, mais assez petite. On est limité à 9 couples dans cette salle. Donc, vous voyez, si déjà on fait un petit peu de danse standard, c'est-à-dire valse, tango, je ne sais pas si tu connais, mais on évolue autour d'une piste de danse dans ces danses-là. Les danses latines, on est statique. Sur le côté, au milieu, à droite, à gauche. Mm-hmm. On a un tout petit périmètre. On évolue sur 2-3 mètres. Que les danses standards, on tourne sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est une ligne imaginaire. D'accord. On tourne autour de la piste, en fait. Ok. Oui, c'est bon. Oui, je donc, visualise. Dans une salle qui est petite, et puis où on est 9 couples, on risque des fois de se rentrer dedans. Bien sûr. Voilà. Donc, mais c'est sûr que si les gens me demandent, ou ne serait-ce qu'apprendre un petit peu des petites, genre, ou des danses en ligne, hein, le Madison, le Bayon, la Polka, tout ce qui se danse au bal, hein, la Mazurka, la Cumbia, le Kuduro, Jérusalem, la danse. Bien sûr. Ça aussi, on l'a fait là au mois de. Oui. La Jérusalem. Toutes ces danses-là, les gens aiment bien, veulent l'apprendre, ça. Sont friands de ces danses-là. D'accord. Et partout maintenant, ils le passent dans les soirées, et les gens les dansent. Mm-hmm. Mmh. D'accord. Ne serait-ce qu'en échauffement. Vous voyez, un échauffement au début du cours, hop, on fait 2-3 petits pas de Madison, 2-3 petits pas de Cumbia, etc. 5-10 minutes. Puis après, on attaque après la discipline proprement dite. D'accord, oui, parce que toujours un échauffement, parce que la danse est un sport, ça travaille bien le cardio, du coup. Ça dépend quand même des danses. Oui, mais il y a aussi du cardio. Oui, si, sûr. Oui. Il faut avoir une bonne condition physique quand même pour pratiquer. Oui, mais pas de certificat médical. Ah, voilà, c'est un avantage. Un avantage, oui. Et donc, en tant que danseur et que du coup de coach de danse, quel est pour le moment ton meilleur souvenir, si tu en as un? Mon meilleur souvenir? Oui, en tant que danseur ou en tant que coach. Bah, danseur, donc, quand j'ai fini champion de France. Mmh, d'accord. Quand j'ai fini 7e au championnat d'Europe, donc en tant que danseur avec ma partenaire. Et puis, en tant que coach, quand j'ai amené mes propres élèves deux années de suite champion de France. Mmh. Et puis, championnat d'Europe, Bratislava, en Slovaquie. Et puis deux championnats du monde en formation girl en Pologne. D'accord. Ah oui, vraiment dans tout le monde entier. Oui, mais c'était les championnats du monde. Ah bah donc oui. chaque pays organise la compétition. Chaque année, c'est un pays différent. Mm-hmm. Et là, en l'occurrence, c'était ça. Et j'ai moi-même organisé une Coupe du Monde à Épinal. D'accord. Par des expos. Une Coupe du Monde, mais formation junior. C'est-à-dire c'était des enfants de moins de 16 ans, et puis individuels aussi, des youths, appelés ça youths, moins de 16 ans, qui faisaient des petites acrobaties, des semi-acrobaties. D'accord. Voilà, super, on part des expos. Ben oui, surtout qu'un championnat du monde à Épinal, c'est pas si loin de la radio, donc du coup, ni d'Everybody Dance, donc ça a l'air gratifiant du coup de faire oui, ça. Ben, oui, c'est du travail. Oui, bien sûr. C'est du travail. Bien sûr. Parce que vous avez quand même pratiquement 500 danseurs. Hein. Ah oui. Donc réserver les hôtels, les restaurants, c'est pas évident. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. En amont, c'est une grande préparation. En amont, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc il va être 14h48. Nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, je te propose que nous nous lancions tout de suite dans un troisième son, une troisième musique sur laquelle tu travailles, et que nous écoutions un petit peu de salsa. Absolument. Allez, on y va. C'est parti pour la salsa. Un petit peu de salsa. Salsa cubaine. Cubaine. Ah, parce qu'il y a plusieurs types de salsa. Il y a la portoricaine, la porto. Moi, je fais uniquement la cubaine. D'accord, donc là, ça va être un morceau de salsa cubaine, du coup. Voilà. Okay. Du coup. du coup. Donc, ce que je vais faire comme pour la première pause musicale, je vais la couper parce qu'elle dure longtemps. Donc, je vais essayer entre 3 et 5 minutes et après, on pourra conclure du coup cette émission. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. De retour sur Radio Gamozo, vous venez d'écouter un petit peu de salsa. Et donc, vous êtes de retour, comme je viens de le dire. Nous sommes toujours en direct. Il est 14h53. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radioguemozo.radio-website.com/partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Pascal Georgel, professeur de danse de l'association Everybody Dance, qui est là pour nous parler de son parcours et de l'association. Tout est toujours bon pour toi ? Ah, tout est ok là, impeccable, parfait. Je suis bien. Le café était bon, impeccable. Oui, parfait. Et donc, justement, là, quand tu as dit que c'était de la salsa porto, c'est ça ? Cubaine, ok. Parce que ouais, moi... c'est le son cubain là qu'on vient d'entendre. D'accord, parce que donc... je savais pas qu'il y avait plusieurs salsas différentes, donc c'est quoi la différence entre chaque salsa du coup ? Ouais, la salsa cubaine, donc, et la porto. Donc moi, principalement, je suis axé sur la salsa cubaine. D'accord. C'est-à-dire, en salsa cubaine, les petits pas sont différents, mais ça se tient quand même. Les figures sont aussi un peu différentes. Et en salsa cubaine, on n'a pas de ligne de danse. On peut danser, on peut envoyer sa partenaire un huitième à gauche, un demi-tour à droite, etc. Il n'y a pas forcément de ligne de danse. C'est pour ça qu'en salsa cubaine, c'est bien au départ de danser en rueda. La rueda, c'est-à-dire on se met en rond. Chaque danseur avec sa danseuse en face à face. Le danseur regarde en fait le dos de son danseur qui est devant. Et il y a des moments quand le prof dit maté, on change de partenaire ou on fait une figure différente et on change de partenaire. Ça permet après d'avoir un autre style, un meilleur style pour danser. D'accord, faut être assez vif du coup quand même. Oui. Mais c'est très convivial parce que c'est rigolo, parce qu'il y en a qui sont toujours en retard, donc ils récupèrent la partenaire, ils sont décalés, et voilà, mais c'est super pour apprendre. Ah ben j'imagine. Oui. Donc il est 14h55, nous allons du coup devoir conclure, mais on peut peut-être rappeler le jeu concours que tu souhaites organiser avec Everybody Dance. On peut le rappeler. Oui, ben le jeu, c'est vous qui allez me le dire, ça dépend, on peut poser des questions, on peut faire sur ce que vous voulez le jeu, et puis faire gagner un mois de cours gratuits, d'essais, un trimestre, voire un trimestre, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. D'accord. De toute façon, j'ai peut-être déjà une question pour le jeu, donc je vais la poser ici, puis je reparlerai à ma collègue du coup quand je la reverrai, du coup pas demain, mais jeudi ou vendredi. Du coup, j'ai demandé à nos auditrices et auditeurs si vous souhaitez participer de nous citer un type de danse dont nous avons parlé dans cette émission. Voilà, un type de danse, un nom de danse, et puis comme ça vous pourrez peut-être tenter votre chance pour gagner du coup. Ça c'était ma tasse pour gagner du coup le. Oh, j'en ai pas sur moi du café. Mince. Pour gagner du coup ce que mon invité souhaite faire gagner, c'était juste un type de danse et puis voilà. Donc si nous voulons te suivre et suivre l'actualité de Everybody Dance et pourquoi pas adhérer à l'association, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors j'ai redonné mon numéro 06 48 85 76 83. Je demande donc aux parents qui veulent inscrire leurs enfants de venir samedi prochain, samedi 2, donc à la salle rue de la Mai, je ne sais plus si c'est le 20, rue de la Mai, c'est l'école de garçons. D'accord. Voilà. On est là donc de 10h à 11h. Et pour les adultes, de venir le mercredi 3 octobre, je ne sais plus. Le mercredi, attends, je regarde sur l'agenda. Mercredi 6. Le 6, c'est ça. Le 6 octobre, voilà. À partir de 19h, ils peuvent venir essayer gracieusement, il n'y a pas de problème. Et après, on verra pour les inscriptions avec eux. Ouais, c'est gratuit. Donc ça, du coup, j'allais dire c'est gratuit, ça ne coûte rien. C'est la définition de la gratuité. Donc, c'est gratuit. Si vous voulez voir ce que ça donne, venez participer. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez repartir. Mais si ça vous plaît, vous pouvez, même vous devez adhérer. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? D'avoir beaucoup d'adhérents. Je pense. Bien sûr. Hein ? Et puis organiser en 2022, essayer d'organiser quelque chose sur Saint-Étienne. Bien sûr. Hein ? Soit un petit trophée interclub, voilà, ou carrément une soirée dansante. Il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup sur Saint-Étienne. C'est vrai. Soirée dansante, soirée musette, ouverte à tous et toutes, avec éventuellement repas dansant. Voilà, on étudie tout. Voilà, c'est tout ce qu'on te souhaite, que tout fonctionne très bien. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte ? Non, je vous attends nombreux. Si, je vous attends nombreux, samedi. Et puis mercredi prochain. Voilà, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, il est 14h58. C'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je te remercie une nouvelle fois, Pascal, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie. Merci aux auditeurs aussi. Tout simplement, même si malheureusement on n'a pas eu de retour, mais bon, vous pourrez. Ça va arriver. Oui, voilà, vous pouvez réagir. Même après l'émission, je transmettrai tout ça à Pascal, du coup, il sera avec vos coordonnées si vous voulez prendre contact avec lui, ou alors je vous donnerai son contact à toi. Enfin, oui, oui. Voilà, tout simplement. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Et si tu veux, je pourrais même te l'envoyer par mail. Oui, ça serait sympa, merci. Si tu veux la partager, ou voilà. Oui. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique juste après le générique. Là, sur mon ordinateur, je ne vois pas encore la musique qui va venir juste après, mais vous verrez, c'est de la musique. On aime la musique ici. Et avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais par téléphone Axel Sénéquier, auteur, qui était là pour nous parler de ce qu'il fait. Ah si, c'est bon, j'ai la musique d'après, donc ça va être Henry Jameson avec son titre Ether Garden. Voilà. Et donc, quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi à 14h, toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai David J.S., comédien, qui sera là pour nous parler de sa carrière et de sa web-série intitulée Louis Frisson, entre autres. Donc, merci de votre fidélité à Radio Guémozo, et du coup, je vous dis à demain. Donc, salut et à demain.